arrêter de déconner. Dans le réel, j'en crève et je patauge pour m'en tirer. Mes souvenirs m'achèvent, les traits, les lignes, les pointillés. Je demande la trêve alors que tous ont dégainé. Et pour sortir de la nuit, faut faire le vide autour de soi et compter combien sont partis. Donc il ne reste que toi. Et quand la vie m'appelle, je décroche alors. Reste rien, le monde devient trouble et noir, bruyant, anonyme et lointain. Avoir si mal sur cette terre, c'est juste réservé aux humains. C'est dans mes rêves que j'ai arrêté de déconner. Dans le réel, j'en crève et je patauge pour m'en tirer. Les souvenirs m'achèvent, les traits, les lignes, les pointillés. Je demande la trêve alors que tous ont dégainé. Au sortir de la nuit, si j'arrive à faire le choix et que mes démons sont hors d'ici, il me restera